La légende du croque-mitaine, recueillie par Ernest Lépine, lue par Armen pour audiocité.net. Préambule. Que Dieu soit avec vous, mes chers enfants. Puisse la lecture de cette histoire vous être aussi agréable et aussi profitable que je le désire. Je vais faire défiler devant vous des souverains de tous les pays, des soldats de toutes les armes, des chevaliers de toutes les couleurs, des héros et des héroïnes de tous les âges. On se donnera, pour vous plaire, des coups d'épée et de lance, comme jamais il n'en a été reçu. Des armées entières vont rester sur le carreau, et la page ne sera pas plutôt tournée que toutes les blessures seront guéries. Si vous réfléchissez à ce que vous aurez lu, vous reconnaîtrez que, contrairement aux lois de la perspective, un danger, quel qu'il soit, est plus grand de loin que de près. Première partie. La passe d'armes de Fronsac, 769. Chapitre 1er. Charlemagne. L'histoire que j'ai entrepris de vous conter s'est passée, si elle s'est passée, du temps du grand empereur Charlemagne. Il n'est pas besoin d'écrire des contes lorsque l'on veut intéresser en parlant de cette époque merveilleuse. La vérité est si surprenante qu'elle suffit bien à vous faire ouvrir les yeux à deux battants. Que sont les chétifs prodiges des fées, ogres, géants, génies, farfadets, à côté de ceux qu'accomplit Charlemagne, et quelle baguette magique eut autant de pouvoir que son épée? Il faut, avant d'aller plus loin, que je vous fasse, en quelques lignes, le portrait de ce héros. Sa taille était de 8 pieds à la mesure des siens, et les historiens disent, dans leur enthousiasme, qu'ils étaient longs à merveille. Ses yeux étaient grands et perçants, et lorsqu'il était en colère, on eût dit qu'un incendie s'allumait sous ses paupières. Il avait la face vermeille et large d'un empan. Ses cheveux étaient bruns, et il portait toute sa barbe. Sa ceinture avait 8 pieds de longueur, sans qu'il eût le corps disproportionné. Il mangeait volontiers, en un repas, la 1/4 partie d'un mouton, ou une noix, ou un jambon, ou un paon. Il était sobre de vin et y mêlait peu d'eau. Sa force était si grande qu'il tordait en se jouant 3 fers à cheval réunis en faisceau. Il enlevait de terre, à bras tendus, un chevalier armé de toutes pièces, debout sur la paume de sa main. D'un coup de son épée, il fendait en deux un cavalier en tenue de guerre et la monture par-dessus le marché. Ceci n'était qu'un jeu pour lui, et souvent, avec une bonne grâce dont il avait seul le secret, il se plaisait à donner cette preuve de sa force surnaturelle. Sa colère était redoutée à l'égal du tonnerre, car elle était aussi prompte à éclater et à frapper. Miséricordieux comme Titus, sûr de jugement comme Salomon, pieux comme saint Joseph, magnifique comme Sardanapale, avisé en paroles comme Ésope, il avait 2 qualités plus rares que toutes celles-là réunies. Quand il parlait, il pensait ce qu'il disait. Et quand on lui parlait, il réfléchissait longuement pour comprendre l'intention de ceux qui s'adressaient à lui. L'héritage de son père n'étant pas à sa taille, il se façonna un royaume plus en rapport avec ses instincts de géant. Né en 742, couronné en 768, en 770 il avait conquis l'Aquitaine et la Lombardie. 4 ans après, l'Allemagne lui était soumise. Il fit 53 expéditions militaires et commença le 9e siècle en se laissant sacrer empereur d'Occident par le pape Léon III. grand distributeur de couronnes, il donnait des royaumes et des duchés, comme on donne de nos jours des sous-préfectures. Il lui fallut deux capitales, Rome et Aix-la-Chapelle. Il promulgua un code de loi connu sous le nom de capitulaire, protégea la religion, répandit les saintes écritures, encouragea les arts et introduisit dans les cathédrales les orgues qu'il emprunta aux Lombards. Entouré de grands esprits dont il stimulait les efforts et avec lesquels il travaillait, il fonda des universités et des écoles et mourut en 814 après 43 années de règne, 43 années de conquête et de miracles. En vérité, mes enfants, si un héros tel que Charlemagne ne vous suffisait pas, vous seriez bien difficiles.